Les délégués à la première conférence des présidents des organisations de base de tout le parti ont visité Mangyongdae, pays natal du président Kim Il-sung, le cimetière des martyrs révolutionnaires du Mont Taesung, le musée d'état des présents, le haut lieu historique de la révolution de Pyeongchang et le musée de la guerre de libération de la patrie.